Le Rassemblement pour le bilan de l'émulation socialiste pour l'augmentation de la production dans le secteur agricole de l'Ensemble du Tutsé 2016 a eu lieu le 24 février au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang, en présence de Lee Chul-man, chef de département du Comité central du Parti du Travail de Corée, des officiels intéressés et des cadres de l'Union des travailleurs agricoles et des unités concurrentes, ainsi que des agriculteurs. À la suite du rapport de bilan et de l'annonce du classement, la citation et le pavillon itinérant ont été conférés à la ville de Pyongyang, à l'arrondissement d'Anak et à la ferme coopérative de Toksong de l'arrondissement d'Anak, au nom commun du Comité central du Parti du Travail de Corée, du Présidium de l'Assemblée populaire suprême et du Cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée, alors que la citation et le pavillon itinérant à la ferme coopérative de Nhung de l'arrondissement de Taechon, au centre d'élevage de porc de Kangen, au centre d'élevage de poules de Hongju et au complexe d'arboriculture fruitière de Kosan, au nom commun du Comité central du Parti et du Cabinet ministériel de la République. Au terme de la réunion, a été publié le programme de la même émulation pour l'an 106 du Tutsé 2017.